Les éditions de l'Avenir présentent Relations des Jésuites contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans les missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France. Volume 1, embrassant les années 1611-1626 et la période de 1632 à 1641. Québec, Augustin Côté, éditeur-imprimeur près de l'archevêché, 1858. Relations de ce qui s'est passé en la Nouvelle-France en année 1633. Envoyé au révérend père Barthélemy Jacquinot, provincial de la Compagnie de Jésus, en la province de France, par le père Paul le Jeune de la même compagnie, supérieur de la résidence de Québec. Relation de 1633, deuxième partie. Le premier jour de novembre, fête de tous les saints, ayant appris qu'un pauvre misérable sauvage, mangé d'un chancre ou des écrodelles, était dans une méchante cabane, de là le grand fleuve de Saint-Laurent, abandonné de tout le monde, hormis de sa femme, qui l'assistait le mieux qu'elle pouvait, nous fîmes ce que nous pûmes pour le faire apporter près de notre maison, afin de le pouvoir secourir selon le corps et selon l'âme. Le père de nous et notre frère le furent voir. Ils en eurent grande compassion. Je priai notre truchement français d'induire les sauvages à nous l'apporter, car nous ne pouvions la déquérir. Il en parla à l'un d'eux en ma présence, qui demanda ce qu'on lui donnerait. On lui dit qu'on lui donnerait à manger. Je lui fis dire qu'il était grandement ingrat, que cet homme était de sa nation, et que nous, qui n'en étions pas, le voulions secourir et, cependant, qu'il lui refusait ce peu d'assistance. À cela, point d'autre réponse, sinon qu'il s'en allait bientôt à la chasse et qu'il n'avait pas le loisir de mener là son canot. J'ai remarqué que les sauvages font très peu d'état d'un homme de la santé duquel ils désespèrent, voire même, ils les tuent parfois, ou les laissent dans les bois pour s'en défaire, ou pour ne les voir languir. Le 5 du même mois de novembre, un grand jeune sauvage s'en vint chez nous, retournant de la chasse au castor, criant qu'il mourait de faim. Il apportait quantité de racines, entre autres, force oignons de martagon rouge, dont il y a ici très grand nombre. Nous lui donnâmes quelque chose et goûtâmes de ces oignons. Ils sont très bons à manger. Il n'y faut point d'autre sauce que de les faire bouillir dans l'eau sans sel, car les sauvages n'en mangent point, quoique maintenant, ils s'y accoutument fort bien. Le 8, Manitougache, surnommé Lanas, et toute sa famille, composé de deux ou trois ménages, s'en vinrent cabaner auprès de notre maison. Ils nous dirent que deux ou trois cabanes de sauvages avaient été dévorées par de grands animaux inconnus, qui croyaient que c'était des diables et que les montagnais avaient peur, ne voulaient point aller à la chasse du côté du cap de Tourmente et de Tadoussac. Ces monstres, ayant paru de ce côté-là, on soupçonna par après que les sauvages avaient fait courir ce bruit pour tirer de l'autre côté de la rivière. Le 9, je m'en allai voir ces nouveaux hôtes. Comme j'étais dans la cabane, j'entendais chanter deux hommes sans savoir où ils étaient. Je regarde dans toute la cabane, je ne les voyais point et, cependant, ils étaient tout au milieu, renfermés comme dans un four où ils se mettent pour se faire suer. Ils dressent un petit tabernacle fort bas, entouré d'écorce et tout ouvert de leur robe de peau. Ils font chauffer 5 ou 6 cailloux qu'ils mettent dans ce four où ils entrent tout nus. Ils chantent là-dedans incessamment, frappant doucement les côtés de ces étuves. Je les vis sortir tout mouillés de leur sueur. Voilà la meilleure de leur médecine. Le 12 novembre, l'hiver fit ses approches, commençant à nous assiéger de ses glaces. Ayant été fort longtemps ce jour-là dans une grande cabane de sauvages, où il y avait plusieurs hommes, femmes, enfants de toute façon, je remarquai leur admirable patience. S'il y avait tant de familles ensemble en notre France, ce ne serait que disputes, que querelles et qu'injures. Les mères ne s'impatientent point après leurs enfants. Ils ne savent ce que c'est que de jurer, tout leur serment consiste en ce mot « taponner ». En vérité, point de jalousie les uns envers les autres, ils s'entraident et se courent grandement pour ce qu'ils espèrent le réciproque. Cet espoir manquant, ils ne tiennent compte de qui que ce soit. Tout ainsi qu'un homme en Europe se compose et s'habille honnêtement quand il veut aller en quelque honnête maison, de même les sauvages se font peindre la face quand ils font quelques visites. Le fils de Manitougache, voulant aller à l'habitation, je vis sa mère que le graissait et le peignait de rouge. Elle en fit autant à son mari. Il trouve cela si agréable que les petits-enfants ne pensent pas être beaux s'ils ne sont barbouillés. J'en voyais un qui frottait ses doigts sur une hache rouillée, puis se faisait des raies au visage avec cette rouillure. Je fis une petite croix avec un peu d'encre sur le front d'un petit garçon. Il se tenait bien brave et les autres trouvaient cela fort beau. Oh, que le jugement des hommes est faible! Les uns logent la beauté où les autres ne voient que la laideur. Les dents les plus belles en France sont les plus blanches. Aux îles des Maldives, la blancheur des dents est une difformité. Ils se les rougissent pour être belles. Dans la Cochinchine, si j'ai bonne mémoire, ils les teignent en noir. Voyez qui a raison. Le 13, Manitougache, notre hôte et voisin, nous vint dire qu'on avait vu quantité d'Iroquois qui avaient paru jusqu'auprès de Québec. Tous les montagnais tremblaient de peur. Celui-ci nous demanda si sa femme et ses enfants ne pourraient pas bien venir coucher chez nous. Nous lui répondîmes que lui et ses fils seraient les très bienvenus, mais que les filles et femmes ne couchaient point dans nos maisons, voire même qu'elles n'y entraient point en France, et qu'aussitôt que nous serions fermés, que la porte ne leur serait plus ouverte. Il envoya donc tout son train, tous les jeunes gens, aux cabanes voisines de Québec, où l'on disait que l'on enverrait quelques arquebusiers pour les garder. Pour lui, étant invité du capitaine des sauvages de prendre sa cabane jusqu'à ce que l'effroi fût passé, il fit réponse que s'il devait mourir, qu'il voulait mourir auprès de nous. Et ainsi, ayant mis ses gens en assurance, il nous revint trouver. Ce même jour, Pierre Paste des Chouannes nous vint voir pour demeurer avec nous. Je ne puis omettre ici un trait fort particulier de l'admirable bonté et providence de Dieu en notre endroit. Ce jeune homme a été conduit en France à son bas âge par le révérend père Écollet. Il a été baptisé à Angers. Monsieur le prince d'Éguimenée était son parrain. Il parle fort bien français et fort bon sauvage. Ayant été ramené en son pays, on le remit entre les mains de ses frères pour reprendre les idées de sa langue qu'il avait presque oubliées. Ce pauvre misérable est devenu barbare comme les autres et a toujours continué dans ses barbaries pendant que les Anglais ont ici séjourné. Sachant le retour des Français, il vint voir le sieur Imri de Caen à Tadoussac, qui l'invita de monter à Québec. Ce qu'il fit. Il le voulait prendre pour son truchement, le faisant manger à sa table, lui témoignant un fort bon visage. Mais, cependant, comme je désirais grandement d'entrer dans la connaissance de la langue, et voyant que je n'avançais rien, faute de maître, je délibérai de m'adresser à Dieu, espérant que nous aurions ce jeune homme pour quelque temps. Nous nous mîmes tous à solliciter cette affaire auprès de notre Seigneur. Je sentais un si grand désir, joint avec une si grande confiance, qu'il me semblait que nous l'avions déjà contre toutes les apparences humaines. Car, comme on se voulait servir de lui au fort, on le traitait favorablement. Vu, d'ailleurs, que respirant que la liberté, il aborait plutôt notre maison qu'il ne l'aimait. Dieu est plus fort que tous les hommes. Il n'appartient qu'à lui de tirer le bien du mal. Ce pauvre jeune homme étant trop à son aise, ne s'y peut tenir. Il mécontente le sieur de Caen une et deux fois. Il est disgracié et remis en faveur. Cependant, je sollicite le sieur de Caen de nous l'envoyer, au cas qu'il ne pût accommoder au fort, qu'il nous obligerait et ferait du bien à ce pauvre abandonné. Lui, qui nous faisait l'honneur de nous aimer, s'y accorde aisément. Or, ce pauvre garçon, se voyant déchu de l'amitié du sieur de Caen, se jette du côté du sieur du Plessis. C'était tombé pour lui de fièvre en chaumal. Car le sieur du Plessis, connaissant ses friponneries et désirant qu'il demeurât avec nous, le rebuta, lui promettant son amitié au cas qu'il voulût passer quelques mois à notre maison pour se remettre dans les devoirs de bon chrétien. M. de Caen lui témoignait le même. Le voilà donc exclu du fort. Il ne fallait plus qu'être abandonné en quelque façon des sauvages. Il avait épousé la fille de Manitougache. Elle, ayant reçu quelques mécontentements de lui, le quitta là. Ce sont les mariages des sauvages qui ne se lient que par un lac courant. Il faut peu de choses pour les séparer, si ce n'est qu'ils aient des enfants, car alors ils ne se quittent pas aisément. Étant donc ainsi rebuté, il se vint jeter entre nos bras, qui n'étaient que trop ouverts pour lui. Nous lui procurâmes un habit de français que le valet de chambre du sieur Duplessis lui donna. Bref, nous lui fîmes tout l'accueil qui nous fut possible, rendant mille grâces au bon Dieu de ce qu'il lui avait plu exaucer nos prières. Ayant donc cette commodité, je me mets à travailler sans cesse. Je fais des conjugaisons, déclinaisons, quelques petites syntaxes, un dictionnaire, avec une peine incroyable, car il me fallait quelquefois demander 20 questions pour avoir la connaissance d'un mot, tant mon maître peu duit à enseigner variait. Oh, que je suis obligé à ceux qui m'envoyèrent l'an passé du petun. Les sauvages l'aiment dérèglement. À toutes les difficultés que je rencontrais, j'en donnais un bout à mon maître pour le rendre plus attentif. Je ne saurais assez rendre grâce à notre Seigneur de cette heureuse rencontre. En tant d'années qu'on a été en ces pays, on n'a jamais rien pu tirer de l'interprète ou truchement nommé Marcellet qui, pour excuse, disait qu'il avait juré qu'il ne donnerait rien du langage des sauvages à qui que ce fût. Le père Charles l'Allemand le gagna. Je pense avoir ce qu'il lui bailla, mais cela ne m'eût de rien servi, l'économie de la langue est toute différente de celle d'Europe n'est point déclarée là-dedans. Que Dieu soit béni pour un jamais, sa providence est adorable et sa bonté n'a point de limite. Il m'a fallu, avant que de savoir une langue, faire des livres pour l'apprendre. Et quoique je ne les tienne pas si correctes, si est-ce que maintenant de l'heure que je parle, quand je compose quelque chose, je me fais bien entendre aux sauvages. Le tout j'y ai composé souvent, à apprendre quantité de mots, à me faire à leur accent, et mes occupations ne me le permettent pas. Je pensais m'en aller, cet hiver prochain, avec eux dans les bois, mais je prévois qu'il me sera impossible, lié comme je suis. Si mon maître ne m'eût point quitté, dans peu de mois, j'aurais bien avancé. J'ai remarqué dans l'étude de leur langue qu'il y a un certain baragouin entre les Français et les sauvages qui n'est ni français ni sauvage. Et cependant, quand les Français s'en servent, ils pensent parler sauvage, et les sauvages, en l'usurpant, croient parler bon français. J'en écrivis quelques mots l'an passé que je qualifiais de mots de sauvage, le pensant ainsi. Par exemple, le mot « ania », dont j'ai encore fait mention ci-dessus, est un mot barbare. Les sauvages s'en servent à tout bout de champ parlant aux Français, et les Français parlant aux sauvages, et tous s'en servent pour dire « mon frère ». Mais en vrai sauvage de montagnais, « nichté », c'est-à-dire « mon frère aîné », »,« nichim », »,« mon cadet ». Le mot de Sagamo ne s'usurpe ici que par quelques-uns pour dire « capitaine ». Le vrai mot, c'est « ukimo ». Je crois que ce mot de Sagamo vient de l'Acadie. Il y en a quantité d'autres semblables. Au commencement qu'on entre en un pays, on écrit plusieurs choses, les pensant vraies sur le rapport d'autrui. Le temps découvre la vérité. On m'a discouru de plusieurs façons de faire de ces nations, nous aurons assez de temps pour voir ce qui en est. Je dirai, en passant, que cette langue est fort pauvre, est fort riche. Elle est pauvre pour autant que n'ayant point de connaissance de mille et mille choses qui sont en l'Europe, ils n'ont point de nom pour les signifier. Elle est riche pour ce que les choses dont ils ont connaissance, elle est féconde et grandement nombreuse, il me semble qu'ils ne la prononcent pas bien. Les Algonquins, qui ne diffèrent des Montagnais que comme les Provençaux des Normands, ont une prononciation tout à fait gaie et gentille. Je ne crois pas avoir ouï parler d'aucune langue qui procédât de même façon que celle-ci. Le père Brébeuf m'assure que celle des Hurons est d'une même économie. Qu'on les appelle barbares tant qu'on voudra, leur langue est fort réglée. Je n'y suis pas encore grand maître. J'en parlerai quelques jours avec plus d'assurance. Si je n'avais peur d'être trop long, Je mettrai ici une grande et tout à fait étrange différence entre les langues d'Europe et celle-ci. Le 14 de novembre, le sauvage Lanas étant chez nous, je lui fis parler de la création du monde, de l'incarnation, de la passion du Fils de Dieu. Nous passâmes bien avant dans la nuit. Tout le monde s'endormait, hormis lui. Étant de retour en sa cabane, il dit à Pierre qu'il entendait volontiers parler de cela. Nous voyant un jour prier Dieu après le dîner, il tira un profond soupir, disant « Oh, que je suis malheureux de ce que je ne sais pas prier Dieu comme vous! » Il a souvent dit à Pierre « Enseigne vitement à cet homme-là, parlant de moi, afin que nous puissions entendre ce qu'il dit. » Il vient le soir aux litanies à notre chapelle quand il couche chez nous. Et, comme il répondait avec nous « Ora pro nobis », Pierre, se riant de cela, lui demanda s'il entendait bien ce qu'il avait dit. « Non, dit-il, mais je crois que cela est bon, puisque ses pères le disent en priant Dieu. » Il nous a témoigné qu'il voulait mourir avec nous et qu'il ne s'en irait point que nous ne le chassions. S'il n'était chargé d'une si grande famille, je souhaiterais bien qu'il fût notre domestique. Il est quasi assez instruit pour être baptisé s'il tombait en danger de mort. Mais nous ne nous hâterons point que nous ne sachions bien parler. Comme j'instruisais son petit-fils, il me dit « Instruis-moi, je retiendrai plutôt que lui. » Et, joignant les mains, il disait la bénédiction de table. Je lui dis une fois que Dieu défendait de travailler certains jours, pour ce qu'il travaillait un dimanche. Il me dit « Avertis-moi le séjour et je les garderai. » Lisant les commandements de Dieu en sa cabane, quand je vins à celui qui recommande aux enfants d'obéir à leur père et mère, il se tourna vers les siens et leur fit signe qu'ils écoutassent. Ayant entendu cet autre commandement, « Tu ne tueras point », il me dit qu'on l'avait voulu inciter à tuer quelqu'un. Mais que voyant que c'était mal fait, qu'il ne l'avait pas voulu faire. Voici un autre discours. Pierre, passier des chouannes, nous a rapporté que sa grand-mère prenait plaisir à raconter l'étonnement qu'eurent les sauvages voyant arriver le vaisseau des Français qui aborda le premier en ces pays-ci. Ils pensaient que ce fut une île mouvante. Ils ne savaient que dire des grandes voiles qui la faisaient marcher. Leur étonnement redoubla voyant quantité d'hommes sur le Tillac. Les femmes commencèrent à leur dresser des cabanes, ce qu'elles font ordinairement quand de nouveaux hôtes arrivent. Et quatre canots de sauvages s'hasardèrent d'aborder ces vaisseaux. Ils invitent les Français à venir dans les cabanes qu'on leur préparait, mais ils ne s'entendaient pas les uns les autres. On leur donna une barrique de pain ou biscuits. L'ayant emporté et revisité, n'y trouvant point de goût, ils la jetèrent à l'eau. En un mot, ils étaient dans le même étonnement que fut jadis le roi de Calcutte, à la bord du premier navire européen qu'il vit près de ses terres. Car, ayant envoyé quelques personnes pour reconnaître quels gens amenaient cette grande maison de bois, les messagers rapportèrent à leur maître que c'étaient des hommes prodigieux et épouvantables, qui s'habillaient de fer, mangeaient des os et buvaient du sang. Ils les avaient vus couverts de leurs cuirasses, manger du biscuit et boire du vin. Nos sauvages disaient que les Français buvaient du sang et mangeaient du bois, appelant ainsi le vin et le biscuit. Or, comme ils ne pouvaient entendre de quelle nation étaient nos gens, ils leur donnèrent un nom qui est toujours demeuré depuis aux Français, Wimishtiguchiu, c'est-à-dire un homme qui travaille en bois ou qui est en un canot ou vaisseau de bois. Ils voyaient notre navire fait de bois, leur petit canot n'étant bâti que d'écorce. À suivre.